question. Merci à Eduk Pop pour m'avoir laissé conduire cette heure. Donc je vais parler du concept de représentation politique chez Edmund Burke et James Madison. Je vais vous structurer mon intervention en trois temps. Premier temps, une introduction des deux personnes qui ont fait ce concept, voir les différences et les points communs. Puis dans un deuxième temps, énoncer et les comparer leur concept de représentation. Puis dans un troisième temps, et ça va être quelque chose que je commence à faire, faire quelques petits parallèles avec aujourd'hui. Donc Burke et Madison sont deux hommes politiques et aussi philosophes du monde anglo-saxon. Burke est un Irlandais mais qui a été député dans une circonscription anglaise à la Chambre des communes au XVIIIe siècle. James Madison fut l'un des pères fondateurs et un philosophe et un universitaire qui a influencé l'écriture de la Constitution américaine et qui fut après président des États-Unis de 1808 à 1816. Et on le dit que c'est peut-être l'un des plus grands intellectuels de la déclaration d'indépendance et de la Constitution. Donc, les deux profils est aussi très à la fois philosophique. Burke est on le connaît aussi pour ses réflexions sur la Révolution française en 1793, où il était un grand critique de la Révolution, et on le dit que c'est le père du conservatisme moderne. Et Madison a écrit avec Jay et surtout Hamilton le papier fédéraliste, qui est le grand texte qui a influencé les rédacteurs de la Constitution. Donc on voit bien que ces deux ont une place particulière dans la philosophie et dans le monde politique de leur époque et qui se déroule en ce moment. Donc pourquoi la représentation? C'est de la représentation politique. Donc d'abord, c'est Burke qui est plus vieux que Madison, donc on peut parler chronologique. Lors de son élection comme député de Bristol en 1762 ou 66, je me rappelle bien sa femme, il a fait une phrase très célèbre: je ne dois pas non seulement mon intellect, mais aussi la défense de vos intérêts. Et je vous trahirai et je ne vous servirai pas, mais je vous trahirai si je les sacrifierai au nom de vos opinions. Ce qui veut dire, c'est qu'il disait: vous m'avez élu pour prendre en charge vos intérêts. Pour lui, le représentant ne doit pas suivre les opinions. Pour lui, le représentant a été choisi par l'électorat pour celui qui pourra le mieux défendre l'intérêt de la circonscription et aussi de la nation. C'était un conservateur, un unioniste. Il était irlandais, mais il était irlandais d'origine anglaise. Donc pour lui, l'union était quelque chose de sacré. Pour lui, l'intérêt commercial de Bristol passait aussi par l'intérêt commercial de Birmingham. Donc, de ville. Donc, si des gens étaient contre ces décisions, Après, Stock vient de son électorat, il disait, je m'en fous, vous m'avez élu, faites-moi confiance. Et il disait, vous m'avez élu pour me faire confiance. Je ne dois pas vous suivre. Et voilà. Puis, 4 ans ou 5 ans plus tard, il a été battu, car il pensait que un accord qui était dans l'intérêt du pays était perçu par les gens de Bristol comme qui n'était pas dans l'intérêt des gens de Bristol. Donc, ça, c'est quelque chose. Je vais passer à Madison, qui dans le fédéralisme, je crois, c'était le numéro 67. Je ne me souviens pas le numéro du chapitre des fédéralistes. Il avait dit que le schéma de reprise de la démocratie n'est pas possible aux États-Unis. Non pas que les choses sont idiots, non pas que les gens ne sont pas prêts d'avoir la démocratie. Vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un pourrait imaginer pourquoi les États-Unis, selon lui, ne peuvent pas être une démocratie? Aucune idée? La taille. Pour lui, la démocratie était quelque chose de petit. De petit. Comme la démocratie athénienne. Pour lui, il disait pas que la démocratie était impossible. Il disait que c'était une question de taille. Et que les États-Unis ayant des intérêts différents, on ne pouvait pas faire que tout le monde ait la même voix parce que les intérêts seront totalement opposés. Il avait dit que la représentation permettrait que les représentants, pourraient décroître l'effet nuisif des intérêts divers. Car pour lui, quelqu'un de Virginie, qui était souvent un esclavagiste, avait des différents intérêts que les gens de Massachusetts où il n'y avait pas d'esclavage. Et pour lui, la représentation dans un tronc d'espace ne pouvait pas être démocratique, mais une république. C'est pour ça qu'il était un des premiers penseurs de la République. Pour lui, une république, c'était un espace grand où, vu qu'il n'y avait pas deux possibilités de démocratie directe, il y aurait un schéma de représentation pour éviter une guerre ou de grands intérêts de les représentants. Dans une chambre, la chambre des représentants, permettrait le dialogue entre ces différents intérêts pour qu'ils soient résolus par les représentants. Les représentants étaient un moyen d'éviter le conflit d'intérêts trop grand. Donc, c'est pour ça. Donc, on peut voir un écho entre l'unité nationale de Villepark et éviter que les grands intérêts partent en guerre civile aux États-Unis par Madison. Donc on tend parfois à les dissocier, disons que les représentants, selon Madison, doivent représenter les opinions de chaque faction. Oui, c'est vrai, c'est la différence avec Burke qui, pour lui, pense que les opinions peuvent sacrifier au nom de l'intérêt général. Ça, c'est vrai. Mais sauf que lui aussi dit que les représentants peuvent négocier et peuvent aussi permettre d'éviter peuvent éviter l'affrontement de différents intérêts dus par une géographie plus grande que la démocratie athénienne sera impossible pour la démocratie athénienne. Donc voilà la différence entre les deux. Voici pour la deuxième partie. Désolé, je voulais plutôt faire un débat et c'est change et je vais basculer dans la troisième partie, c'est la relation avec aujourd'hui. Alors, l'une des choses qui me fait plus sourire, c'est que la droite qui au 18e siècle était vraiment pour la représentation, pour le pouvoir, est devenue populiste. Je n'aime pas ce mot-là, mais beaucoup plus démagogique. Il pense le retour au peuple et n'aime pas l'élite des représentants. Ce qui est quelque chose d'un peu marrant, parce que Burke et Madison, un an, l'un des grands inspirateurs des conservateurs et l'autre a inventé le républicanisme. Deuxième chose, c'est que on parle de la triste représentativité comme la représentativité ne représente plus personne. Mais on dit toujours que c'est parce que il devait au début avoir un mandat impératif. Or, ces deux penseurs-là, l'idée de mandat impératif n'était pas au nom. Ils disaient que c'était juste un moyen de, par des différentes sections de la société qui ont des intérêts divergentes, ne peuvent pas se mettre d'accord. Et donc les représentants seraient un moyen pour se mettre d'accord. C'était ça l'idée derrière la représentation. Et troisième chose, on peut revoir cette idée, et je finirai sur ce point-là, sur une certaine forme de... Notamment, on délègue le politique à un groupe d'experts ou de gens qui savent, à une certaine idée bolchevique et de gauche, avec les bolcheviques et l'art et le... l'avant-garde de la révolution, qui feront la révolution pour le monde. Et ça, on peut le retrouver, et on peut trouver des échos. J'espère que c'était pas trop long, ou trop court. J'espère que vous m'avez compris. Désolé si je me suis fait un peu... si j'ai un peu bégayé, car il fait chaud, et voilà. Et désolé pour... J'espère que c'était clair et précis. Merci Alex, c'était très très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit ou pas? N'hésitez pas. Ouais, après toutes ces études que tu as faites, toi, c'est quoi ta position à toi sur la représentativité? Ah! J'ai pas encore fini mes études, mais moi je dis que la représentativité, en ce moment même, on dit, nous sommes dans une société capitaliste. Nous sommes dans une société qui, où les gens n'ont pas le temps d'être vraiment politisés, qui sont forcés par le capitalisme, par leur travail, de penser à leur propre intérêt. Et donc, je vois qu'il faut une certaine forme de représentativité. Mais est-ce que la forme de représentativité par une voix, un siège, comme en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, je ne crois pas. Il faudrait beaucoup plus faire quelque chose par la proportionnelle et donc une certaine idée de parti. Je sais que certains n'est pas d'accord. Et c'est peut-être ma petite tendance marxiste, léniniste, trotskiste qui se ressort. Mais aussi, c'est toujours en gestation et aussi la représentativité, le concept de représentativité, le concept de... de la façon de gouverner n'est pas uniforme dans le monde. Ce serait idiot si je vais commencer pour continuer mes études de représentativité, donc c'est toujours en gestation, faire l'étude de la représentation Nunavut, où, comme les communautés ont tellement peu de représentativité et tellement peu de points communs, il est impossible d'avoir de parti dans le Parlement du Nunavut, car les intérêts d'une circonscription au bord de l'Arctique n'est pas la même qu'une circonscription au bord de la baie de Saint-James, qui sont séparés de, je crois que c'est 1500 à 2000 kilomètres l'un de l'autre. Donc aussi, c'est ça, et aussi, donc il faut aussi voir la tradition, il faut aussi voir la société pour voir quelle représentation, si on en a besoin. Mais aussi, il faut aussi toujours dire que la représentativité en ce moment même dans une société tellement divisée, une démocratie directe, peut, et ça c'est mon sentiment à moi, dans une société capitaliste, c'est impossible, car ça va faire rejaillir des tensions, non seulement entre les classes sociales, mais entre les différents groupes ethniques, entre la périphérie et les centres urbains, entre les religions. Si on regarde en ce moment en France, les politiques, nos représentants font de la peur. On peut dire qu'ils divisent les gens entre les terroristes et pas. Et ça, c'est dans une démocratie ou un régime représentatif. Imaginez si c'était une démocratie directe. Moi, je crois que si on était en démocratie directe, on aurait une guerre civile. Parce que tout le monde saurait dire « Ah, celui-là, il faut aussi avoir confiance, mais pas une confiance absolue. Une confiance implique aussi une défiance. Mais il faut aussi avoir une certaine transparence. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore ma position sur ça, mais je dis que le mot de Madison de la démocratie directe ou la démocratie athénienne peut être dans un petit espace est toujours d'actualité en ce moment même. D'autres questions? N'hésitez pas. Ou remarques d'ailleurs, pas forcément questions. Je voulais juste rebondir ce que tu viens de dire. Pour moi, les tensions, elles existent déjà en fait. Les tensions, malheureusement, là, depuis quelques années, on a vu quand la droite est passée au pouvoir, c'était un peu la politique du diviser pour mieux régner. Moi, j'ai un peu de mal avec le concept de représentativité, en fait. Alors, je sais pas, je me trompe peut-être, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est mettre des gens dans des cases. Alors, je viens du 93, est-ce que je suis censé représenter la banlieue? Est-ce que je suis pas censé représenter la banlieue? J'en sais rien. Je sais pas, moi j'ai un petit peu de mal avec tout ça, parce qu'effectivement on a tendance à mettre beaucoup de clichés sur le dos des gens, et finalement, voilà, représenter quelque chose, ouais, on représente tous quelque chose, mais pour moi, voilà, juste, je voulais signaler, je pense que le mal est déjà, entre guillemets, fait, et justement, il faut qu'on reprenne ce lien qu'on avait entre tous. Enfin, je vais citer juste un exemple, il y a quelques années, j'écoutais un rappeur sur une radio dire bah avant on était dans la merde mais on était tous ensemble dans la merde, et aujourd'hui malheureusement dans les quartiers on est plus divisé qu'autre chose. Donc c'est je sais pas, j'arrive pas en fait avec la représentativité, j'arrive pas à comprendre. Tu veux répondre directement Alex ou pas, ou je passe à... Juste, c'était par rapport à la taille maximum, en tout cas pour qu'une démocratie soit possible. Moi, je me demandais, bon, c'est un petit peu, c'est certainement un peu illusoire, mais même, enfin, en fait, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, en France, qu'il y ait différents, qu'il n'y a plus du coup la France de façon nationale, mais qu'il y a différents groupes qui puissent cohabiter les uns avec les autres et que chacun puisse avoir la politique qu'il souhaite, donc en fonction de là où ses intérêts, enfin, en fonction de là où il a envie de vivre. Je ne sais pas, par exemple, que la France serait divisée en 10. Alors, ça fait un peu des factions à la à l'Hunger Games, hein, mais que du coup, voilà, il y a par exemple 10 possibilités de vivre en France à chaque fois avec des gouvernements différents. Est-ce que ce serait encore pire ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je parlais surtout de la représentation politique, pas de la représentation que chacun en a. C'est surtout les parlementaires, tout ça. Et c'est vrai que la droite a divisé ça. Je crois que ça fait aussi partie d'un certain populisme slash démagogie de diviser pour mieux régner, tapisser les haines entre les communautés. Et ça, hélas, ça vient avec une élection de tapisser les, de jouer à une certaine démagogie. Et il voudrait, je ne sais pas comment te répondre, mais c'était une précision. Et deuxième chose, c'est que, et ça je veux aussi rajouter, moi je dis que d'une vraie démocratie, une vraie démocratie locale, ça serait 2 ans, 3 ans, voire une petite file. Et que dans les échelons supérieurs, c'est au niveau de l'agora de ces petites démocraties qu'on choisit nos représentants, et pas au niveau d'une élection. C'est le débat qui pourrait nous faire vivre, et qui pourrait faire émerger le représentant, et pas les élections. C'est mon point de vue. Mais ton idée de faire par différentes inclinations politiques ou types de gouvernement, je la trouve intéressante. Et peut-être c'est une solution, mais est-ce que après, tu mets les gens dans une certaine case, et si tu veux, j'aime ce petit bout de gouvernement dans cette région 1, mais j'aime la politique environnementale de la région 2, il y a, c'est toujours, on pique un peu partout, il n'y a pas qu'une uniformité, c'est ça mon petit problème, donc voilà. Ah, quand même. Oui, c'était bon, déjà juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le 93 en opposition avec Paris. Paris, il y a plein de cités sensibles. Hein. Paris, c'est la banlieue aussi. Hein. Voilà, c'était juste une remarque. Vous tapez sur Internet cités sensibles, vous allez voir. À Paris, il y a des cités sensibles. Hein. À Paris, on est les mêmes, c'est les mêmes genres de populations qu'on retrouve en banlieue aussi. Hein. Faut pas opposer Paris et la banlieue. Enfin voilà, c'était juste une petite remarque. Donc pour revenir à l'idée de démocratie et du nombre, en fait, c'est parce qu'on est conditionné, dans une certaine organisation. En fait, il suffit simplement de repenser l'organisation. Si on repense une autre organisation, la démocratie est possible. Après, il est évident qu'il faut passer par la représentation, ça c'est clair. Hein. La démocratie directe, ça fonctionnerait qu'avec vraiment un tout petit nombre, ça on est d'accord. 20 personnes, hein, pas plus. Hein, ou un peu plus, mais pas beaucoup plus, parce qu'après, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il y a pareil, sur Internet, vous avez un PDF qui est très intéressant, qui s'appelle « Pour une vraie démocratie » de André Tolmer, qui justement repense l'organisation. Donc, en fait, il y a 10 personnes qui élisent une personne. Évidemment, là, faut passer par un mandat impératif. Hein. Le mandat impératif, j'ai pris le train en route un peu, là, donc t'as expliqué ce que c'était, j'imagine. Le mandat impératif, enfin voilà, c'est que vous êtes mandaté pour faire par des gens pour faire quelque chose. Vous n'êtes pas là pour faire ce que vous avez envie de faire, ou voilà, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein, je rappelle l'article 27, toujours hein, en France, c'est tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire qu'un président il est élu, ou un représentant député ou maire ou n'importe quoi, il est élu et il peut faire le contraire de ce qu'il veut, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a promis, parce que tout mandat impératif est nul. C'est dans la Constitution française, hein. C'est-à-dire qu'on peut, alors que là moi je parle d'un mandat impératif qui est pas nul justement. Donc André Tolmer, lui, il a imaginé une société, il a imaginé la France avec une démocratie, quoi. Et donc, tu as 10 personnes qui mandatent 10 personnes, et après, c'est 10 autres personnes mandatent 10 autres personnes, et etc. Et on arrive à peu près à une assemblée de 500 personnes, et on a 5-6 niveaux, pas plus, hein. Après, évidemment, il faut un minimum de temps. Et ça pourrait faire rebondir sur ton exposé d'hier, par exemple, où on parlait de gains de productivité, il suffirait simplement de partager le partage. Tout ça, le problème, c'est qu'il faut repenser l'organisation. À l'école, on apprendrait on serait éduqué aux assemblées, à la démocratie, à la citoyenneté. Et donc là, évidemment, et on aurait plus de temps, il y aurait un partage des temps de travail, vu qu'on a des gains de productivité, où les gens se retrouvent au chômage. On partagerait le travail, et le reste du temps de travail, justement, il servirait à la politique. Donc, on aurait ces plusieurs niveaux-là. Il y a 10 personnes qui élisent 10 personnes, qui élisent 10 personnes, qui élisent 10 personnes. On arrive, je crois, qu'à 5 ou 6 niveaux. Enfin, vous allez voir, sur le PDF d'André Tolmer, pour une vraie démocratie, s'il y a des gens qui s'intéressent. Et la démocratie est possible, même quand il y a un grand nombre. Après, le problème, c'est le temps, c'est repenser notre organisation. Enfin, voilà, je sais pas ce que tu en penses, Alex. Tu m'as pressé car je crois que la première fois que tu m'as fait mon premier souvenir que j'avais avec toi était différent, mais ça c'est personnel. Il est là, mon. Je suis presque d'accord sur tout, sauf pas pour l'élection de toute personne, mais une réunion où on fait émerger une personne par consensus. Le mode de décision consensuel est un mode répandu chez les sémites, et c'est pour ça que je fais utiliser la PA. Donc, c'est aussi un sneak peek pour mon doctorat. Désolé. Et pour le temps, oui, la démocratie prend du temps. Pourquoi il faut de l'immédiateté, de la... Pourquoi on veut faire de l'instant T? Il y avait quelqu'un qui se plaignait de mettre 1 à 200 de prendre une loi en France. Mais c'est trop court. Pour avoir un vrai consensus, une loi acceptée par 75% de personnes par au moins pendant un an, et qu'il y a eu même 2 faux référendums qui étaient sur ça, la Suède, pour sa réforme de retraite, a pris 2 ans pour faire sa réforme de retraite. Toute la démocratie a besoin de temps. Et il ne faut pas penser à l'instant T. Et c'est pour ça qu'il faut repenser le temps. Et le temps long est un temps nécessaire pour la démocratie. Et si vous avez vu une conférence pendant les 100 jours, la semaine dernière, vous voyez que le débat parlementaire durait des jours et des jours parce qu'on prenait du temps, et que maintenant c'est vraiment, il faut que ça se fasse dans l'instant suivant, le 49-3, paf, on évite le débat. C'est quoi une démocratie sans débat? C'est pas de la démocratie, c'est même pas une république à la Madison. Voilà. Qui veut parler? Moi aussi, en fait, j'ai un petit problème avec la représentation. Et par rapport aux États-Unis, par exemple, la République américaine et la République française, en fait, qui sont arrivées après des monarchies. Moi, le problème que j'ai, c'est sur l'idée d'intérêt général. Parce que je constate, en fait, que l'intérêt général, en fait, c'est souvent l'intérêt, entre guillemets, bourgeois. Parce que, précisément, les représentants, comme tu dis, souvent, ils sont issus des classes plutôt supérieures de la société. Parce que pour se faire élire, il faut de l'argent. Donc, tout le modèle, en fait, est conçu pour qu'au final, la majorité des représentants ne représentent pas la réalité sociale de l'ensemble. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'ils défendent pas l'intérêt général, mais ils défendent l'intérêt de leur classe. Donc, moi, je voudrais te soumettre l'idée, justement, d'imaginer un autre modèle où, plutôt que de passer par le mode de représentation, en fait, on suivrait un peu les Grecs, Parce que c'est vrai, la démocratie directe, à grande échelle, c'est pas possible. Donc pour sortir de cette aporie, qu'est-ce que tu penses qu'on tire au sort, en fait, parmi des volontaires, les représentants, et qu'on fasse en sorte qu'à l'Assemblée, toutes les classes sociales soient représentées, avec par exemple un quart de gens qui gagnent jusqu'à 1500 euros, un quart jusqu'à 2000, un quart jusqu'à 3000 et un quart au-delà de 3000. Et que du coup, ils ne soient pas rémunérés, comme les Grecs qui fassent ça volontairement. Est-ce que tu penses qu'avec un système comme ça, la défense de l'intérêt général réel pourrait être défendue? Parce qu'aujourd'hui, on lui dit la loi El Khomri, on dit c'est une loi d'intérêt général. Mais bon, on sent bien que ce n'est pas le cas, malheureusement. Tu veux répondre directement ou on fait une autre question? Tu veux répondre? Je vais te répondre en plusieurs temps. Le premier temps, le tirage au sort, si tu peux pas faire un tirage au sort et tu veux stratégie. Tu fais un tirage au sort, tu veux pas ou tu n'en veux pas. Le tirer au sort et essayer de corriger, c'est plus du vrai tirage au sort. C'est un tirage au sort pied et donc du corriges le tirage au sort. Deuxième chose, évidemment, c'était pensé par des bourgeois. Au 18e siècle, seuls les bourgeois étaient qui pouvaient voter. Soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni, et même en France avec le censitaire. Et quand tu parles de la démocratie athénienne, c'était les citoyens, c'était ni les femmes, ni les métèques, ni les esclaves. Donc, bon, c'est ça. Mais c'est pas parti. T'as qu'une ou deux ou trois ou quatre classes sociales, c'est pas parce que t'es pauvre que tu vas bien défendre les pauvres. Penser ça, c'est aussi quelque chose qui est mal conçu. Je pense à l'un des plus grands philosophes politologues du 20e siècle sur le. La représentation qui avait un bouquin qui s'appelle Le concept de la représentation, publié en 1967. Elle s'appelle Anna Petkin et elle a défini la classe en soi et la classe pour soi. Elle a dit représenter la classe en soi, c'est penser qu'une femme défendra la cause des femmes. Alors que penser la représentation bourgeoise, c'est on n'élit pas quelqu'un, une femme pour les femmes, mais le meilleur des personnes qui défendra la cause féministe. Donc, un homme de gauche qui est féministe, qui est pour le droit de l'avortement, et la libération des femmes a plus de légitimité pour moi, en tout cas, de représenter les intérêts des femmes qu'une femme catholique de droite ultra conservatrice qui est ni pour le travail des femmes, ni pour l'avortement et qui est pour le retour. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, pensez qu'une classe sociale ne peut pas être altruistique ou des gens ne peuvent pas être altruistiques, c'est quelque chose d'assez péjoratif. Je peux te rappeler que Engels, qui était un grand industriel bourgeois capitaliste, et il n'a pas empêché de financer Marthe. Donc, c'est une petite critique disant que les bourgeois représentent les intérêts des bourgeois. C'est vrai que c'est un problème dans la classe politique et qui est fait par le système politique et le système capitaliste aussi. Mais je crois pas que c'est les gens individuellement. Voilà. Et il y a aussi aussi plusieurs personnes venant de la classe ouvrière qui sont membres du Front National ou de des Républicains aujourd'hui. Est-ce que eux représentent mieux la classe ouvrière? Moi, je dis non. Donc voilà. Bonjour, merci. C'est agréable la démocratie, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer. Alors moi, je pense que pour sortir, pour établir la concorde et la démocratie, il faut sortir de la décroissance du Club de Rome et du FMI et rétablir une culture de vie. Il faut sortir de la culture de mort. Et je pense qu'il faudrait rétablir la 5e République avec un monarque républicain plébiscité par le peuple. Voilà. Et puis il faut surtout une vision. Et ça prend du temps, il faut développer un projet politique. Voilà, merci. C'est agréable, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Tu veux répondre à ça ou d'autres questions? Alex? Le monarque républicain, le plébiscite, je suis pas sûr, car le plébiscite est un choix. Et on a vu que le plébiscite nous a Du vœu de départ. Ah, tu veux sortir de la salle? J'espère que je monopolise pas la parole, je suis désolé, je vais vous laisser parler. Non, je parlais tout simplement de rétablir la 5e République qui n'est plus appliquée. À l'époque, il y avait un septennat. Pour se présenter aux élections présidentielles, il fallait que 30 signatures de notables. Aujourd'hui, il en faut 500. Et puis, vous savez que si vous n'êtes pas pistonné par le système, par les médias, vous ne serez jamais... puis, on va vous massacrer. Vous allez passer à la télé, vous allez vous faire... ça va être la mort pour vous. Donc, moi, je pensais que déjà, il faut revenir sur des fondamentaux. Je pense que la 5e République... il ne faut pas passer à la 6e République, il faut revenir à la 5e République qui a été détruite. Voilà, par la droite comme par la gauche. Voilà. Ces gens-là ne sont ni démocrates ni républicains. Puis il faut rétablir la souveraineté. Et quand je parle de la souveraineté, je ne suis pas le péniste. Hein. Je pense qu'il faut une vision généreuse de l'État-nation, avec une grande vision, que ce soit en matière environnementale, en matière économique, en matière sociale. Je suis pas pour la loi El Khomri. Hein. Voilà, mais je pense que je dis pas que De Gaulle était parfait, mais déjà il faudrait revenir là où c'est parti en couille, quoi. Voilà, il faudrait revenir là où on a tout perdu. Voilà. Et après on peut améliorer, bien entendu, et vos propositions sont les bienvenues. Ouais, du coup, juste parce que je rebondis sur ce que tu dis, est-ce que tu crois qu'on peut revenir à quelque chose alors qu'on n'est plus dans la même époque? Enfin, est-ce que c'est... Non, mais c'est une question, enfin... Tu veux réagir, Alex, direct? Moi, non, parce que la 5e, même à l'époque de De Gaulle, le pouvoir était concentré en main d'un seul homme, n'était pas démocratique. Il faut le pouvoir au Parlement et pas au président. Il voudrait, on a tué l'homme. Je veux retourner à la 3e ou la 4e République. Certes, parce que le césarisme est toujours dangereux. De Gaulle était quelqu'un qui était déconnecté. Certes, certes, il aurait pu installer une dictature, il ne l'a pas fait, mais on voit bien que non, c'est juste un petit point technique. C'est bien que quand on vous, c'est pas du tout. Vous pouvez bien évidemment réagir, mais c'est toujours mieux que tout le monde en profite. Donc, si vous pouviez juste parler dans le micro ou plus fort pour que tout le monde puisse entendre. Statistiquement, si vous regardez dans toutes les études de revues de sciences politiques, désolé si je reviens dans mon dans mon background universitaire, des régimes les plus stables et qui ont une plus grande performance démocratique ont été les régimes parlementaires. Oui, mais on était au moins démocratique. C'était le peuple, c'était le parlement qui... je vous réponds aussi que la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne en ce moment, le Portugal et dans tous les pays de l'Est, c'est aussi des régimes parlementaires. On parle de gouvernement, des chefs de gouvernement qui étaient changés tous les 6 à 18 mois pendant la 4ème République. Mais les ministres avaient moins de 3 ou 5 ans de stabilité pendant la 4ème République et c'est un fait. Quand on donne le pouvoir à un homme, ça s'appelle du césarisme et du bonapartisme et on peut pas mettre du contre-pouvoir. Voilà. Je suis pour le suffrage universel direct pour le Parlement. Et je veux de le pouvoir résider au Parlement, pas aux mains du législatif doit dominer l'exécutif. Voilà. Alors, donc, je vais passer à ceux qui n'ont pas encore parlé. Monsieur et après madame. Alors moi j'ai beaucoup parlé, j'ai même intervenu. Je comprends tout à fait le débat, je vois bien que il y a un petit peu une lutte entre 4e et 5e République, la 4e République qui n'aurait pas marché, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire dans la 4e République, hein, je sais pas. Hein. Et la 5e République qui ne marche pas, enfin qui marche pas totalement en tout cas. C'est un débat super intéressant. Alors moi, je veux juste réagir en disant que je crois au régime parlementaire. Hein. Je sais qu'il y en a même ici, à Nuit Debout, qui prône un régime totalement différent, même un régime peut-être populaire très horizontal, via le vote d'application, si vous étiez là à une certaine âgée. On avait une application et on pouvait voter des lois. Moi, j'y crois pas parce que je pense qu'il faut savoir de quoi on parle et que on est en train de parler de pouvoir exécutif et législatif. Et j'avais fait une toute petite présentation juste avant à 15h qui parlait de médias et je veux juste rappeler qu'il y a un pouvoir aussi médiatique et que malheureusement le pouvoir médiatique influence le pouvoir politique et surtout législative. Et je vais juste finir par un exemple, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais par exemple, on sait tous que Uber, c'est de la merde, au niveau de l'ubérisation de la société, que on a bien besoin de payer des impôts et des taxes et contribuer socialement pour des caisses sociales, parce qu'on aime avoir des remboursements de la sécurité sociale, je sais pas moi, la retraite, ou j'en sais rien, hein. Mais que les politiques ne prennent pas des décisions vis-à-vis d'Uber parce que surtout au niveau et ça je le suis énormément au niveau de l'Assemblée nationale les élus au niveau du Parlement sont énormément approchés par ces entreprises là dont leurs électeurs leurs électeurs sont les principaux votants de ces politiques. C'est des politiques qui peuvent être tout simplement des députés de Seine-Saint-Denis, hein, comme Monsieur Ramsey, qui est énormément rapproché par les lobbies d'Uber et qui leur demandent d'éviter de voter des lois anti-ubérisation parce que les personnes qui profitent de l'ubérisation et qui malheureusement cannibalisent, j'ai rien contre eux, hein, les taxis qui eux aussi ont un métier et qui cotisent, c'est aussi des personnes qui seraient peut-être issues, d'après ce que j'ai compris, de ces banlieues et qui donc ont du mal à faire voter par les députés. Donc il faut vraiment se méfier de toutes ces régimes et des régimes très horizontaux. Je pense qu'il faut justement des régimes législatifs de personnes qui sont attachées et qui étudient énormément un sujet pour pouvoir le voter. On peut pas voter un sujet en disant êtes-vous pour Uber, êtes-vous pour je sais pas quoi, oui, non, ça a pas de sens pour moi. Voilà. Merci. Madame pose sa question et Alex, je te passe le micro après. Ce n'est pas tout à fait une question que je voudrais poser. Je suis arrivée en cours de route de votre débat, donc je ne sais pas si vous avez parlé de l'avènement des républiques. Si on regarde l'histoire de la France, toutes les républiques sont arrivées soit après une guerre, soit après un coup d'État. 1792, la première république, donc la prise de la Bastille en 89. Le 4 août 89, on vote l'abolition des privilèges. Et effectivement, on enlève tous les privilèges à la royauté et à la noblesse. 92, on regarde après 48, 71. Alors moi, il me semble dans l'histoire de la France que la seule période où les Français ont effectivement eu le pouvoir, c'est les 52 jours de la Commune de Paris. Pour la première fois en France, des élus étaient élus directement. La Commune de Paris a vécu donc 72 jours, et en quelques jours, les élus, dont je vous rappelle qu'il y avait quand même Potier, celui qui a écrit l'International, vous aviez Louise Michel, vous avez, parce qu'ici on a appelé la place de la Commune, je pense qu'effectivement il faut refaire une Commune de Paris où les citoyens s'emparent des textes et les commentent et les votent. Une voix, un vote, un peu comme en Afrique du Sud. Alors quant à la Ve République, moi je suis assez vieille pour l'avoir vécue, d'une part au lycée quand il y a eu le coup d'État en Algérie en 58, parce que je vous rappelle que l'Algérie était française en 58 et qu'il y avait des généraux félons. Alors on peut les nommer, il paraît que je serais peut-être qualifiée de diffamation puisqu'il y a eu une loi d'amnistie depuis, mais il y a quand même Salan, Massu, Tixier de Vignancourt qui ont fait effectivement un coup d'État en Algérie et qui, Debré, à ce moment-là, ministre, demandait aux Parisiens de venir accueillir les parachutistes là-bas au Bourget. Ça, c'est de l'histoire vécue, hein, je ne vous raconte pas, je ne suis pas historienne, c'est de l'histoire vécue. Donc en 58, on a été rechercher le général de Gaulle qui avait une aura assez brillante du fait qu'il était quand même un résistant de Londres, de la ville de Londres, avec la résistance française quand même pour l'aider à chasser sur le territoire français l'armée d'occupation qui était l'armée allemande. Et en 58, donc la loi est votée. La constitution est votée par l'ensemble du peuple à 80%. Le seul qui n'a pas voté, c'est le Parti communiste français. Donc le référendum a eu lieu après. Le référendum a été validé. Et la Ve République a vécu comme ça toute sa belle vie, avec le pouvoir dans les bras d'un seul homme qui est élu directement par le peuple et qui ne peut pas être révocable, sauf si il fait quelque chose d'extrêmement grave et qui serait par la Cour de justice française. Voilà. Donc moi je pense qu'il est temps de finir avec cette constitution de 58. Parce que d'abord, il y a l'article 16 qui a permis à mes parents, puisque moi je ne votais pas à l'époque, mais l'article 16 et l'article 38 de la Constitution qui disait que cet article 16, en gros, hein, je vous résume, je ne suis pas juriste ni historienne, qui disait qu'on pouvait, en fonction des dangers du territoire, voter un état d'urgence. Donc l'état d'urgence d'aujourd'hui, il n'avait pas lieu d'être. Si Hollande avait un peu connu l'histoire de son pays, il n'aurait pas eu besoin de faire un état d'urgence et d'empêcher les manifestants de manifester, d'empêcher peut-être de se rassembler sur la place, etc. Donc moi, je prône, comme d'autres, une 6e République avec révocation des élus quand les élus, effectivement, ne font pas leur boulot alors qu'ils sont payés pour le faire. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais. J'ai pas de questions vraiment à poser. C'est très bien, merci. Franc succès. Alors, Alex, il y a eu deux interventions. Est-ce que tu veux répondre ou je donne à Khaled avant ? La commune, c'était une bonne idée, pas que c'était qu'à Paris, mais comme j'en ai discuté, je profite de ramener un père fondateur des États-Unis, sur la place. La démocratie dans une petite échelle et dans une grande échelle, il faut mieux une république. Dans la commune, c'était vraiment une bonne idée qu'à Paris, mais elle serait idiote dans l'échelle de la France ou dans le monde, même au niveau de l'île de France. Après, il faudrait divers échelons pour la commune. Enfin bref, pour revenir à la constitution de De Gaulle, là, c'est la constitution qui nous met dans la merde. Hein, et elle n'a pas beaucoup changé depuis 58. Hein. Justement, ce que je disais tout à l'heure, tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire qu'un président, un député, n'importe qui peut promettre quelque chose et faire le contraire. Tout mandat impératif est nul. Article 27, c'est De Gaulle, hein, c'est la constitution de De Gaulle. Je rappelle, et la dame a raison hein, tout à l'heure en disant que c'était un coup d'État, ça a été fait pendant la guerre, quoi. Les gens, ils n'avaient pas le choix, quoi. Elle a été imposée de force, cette constitution. Hein. Les gens, quand on est en période de guerre et qu'on fait voter les gens, je suis pas d'accord. C'est pas comme quand on est en période de paix, même s'il y a eu un suffrage universel. Voilà, quoi. Donc De Gaulle, faut arrêter d'en faire le sauveur. En plus, De Gaulle, il s'est présenté comme le sauveur. Voilà. Après, en manipulant les événements d'Algérie, c'est ce que disait la dame. Hein, Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle disait. Bon, moi, je dirais que De Gaulle, il a fait comme Pétain, quoi. Il s'est présenté comme le sauveur. Et puis, voilà, il a pris le pouvoir. Et je rappelle que la fonction présidentielle, c'est quand même quelque chose qui concentre un max de pouvoir, beaucoup de pouvoir en les mains d'un seul homme. Hein. Il a plein de pouvoir. D'ailleurs, il y a une personne qui vient souvent nous parler de France-Afrique ici. Et la cellule France-Afrique, elle est à l'Élysée. Hein. On nous en parle pas. Ça, c'est pas du tout démocratique. Hein. C'est les gens, ils font ce qu'ils veulent en Afrique. Et la cellule, enfin... tout ce qui est décidé pour la France-Afrique, c'est décidé à l'Élysée, en dehors de tout cercle démocratique. Il n'y a rien qui passe au Parlement, par exemple. Voilà. Et je rappelle aussi que la fonction présidentielle avait été au départ réintroduite en 1848 pour faire revenir le roi. On voulait faire revenir le roi en 1848. C'est pour ça qu'on a créé la fonction présidentielle. Bon, ça n'a pas vraiment marché. C'est, comme on sait, le neveu de Napoléon hein, qui a pris le pouvoir. Et le fameux tiers pensait qu'il allait pouvoir le manipuler, ça s'est pas passé comme il voulait, et c'est après comme ça qu'il y a eu une dictature. Hein. Voilà la fonction présidentielle de 1848, donc c'est pour dire, hein, voilà quoi. Donc là, je reviens sur la constitution de 1850, de 1958, dans laquelle on est, elle est pas du tout démocratique, hein, comme chacun le sait. Hein, pareil, le 49-3, hein, tout ça, c'est pareil, hein, c'est des idées qui sont arrivées avec De Gaulle, etc., avec le fameux Debray, voilà, c'est... Bon, voilà, quoi, le monsieur est parti, là, pour la Constitution, mais bon, qui nous parlait de De Gaulle. De Gaulle, faut arrêter d'en parler comme un sauveur. De Gaulle, c'est tout sauf un sauveur. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. C'est pas lui qui a unifié la résistance, non plus, pendant la guerre 39-45. C'est Jean Moulin qui est mort sous la torture de Klaus Barbie. De Gaulle, il était bien planqué à Londres pendant ce temps-là, etc. De Gaulle, c'est aussi le massacre des Harkis. Enfin, je vais continuer. De Gaulle, c'est le sac aussi, hein. C'est le sac qui a créé aussi la French Connection avec un certain Pasqua, voilà, pour faire vite, hein, etc., etc. De Gaulle, faut arrêter d'en parler comme quelqu'un de bien. C'est vrai qu'il avait un côté nationaliste. Bon, il était contre l'Union Européenne. On peut mettre ça à son crédit, mais alors c'est tout, quoi, c'est tout. C'était juste pour faire un petit point technique. Mercredi, on manque d'intervenants à éducation populaire. Donc, si vous voulez venir nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur... vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, tous les créneaux horaires sont libres. Donc voilà, que ce soit à propos d'un livre, d'un film, voilà, de votre travail, chacun peut apporter son domaine de connaissances. Et voilà, donc vous pouvez venir nous voir, soit Adèle, Sébastien ou moi, après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Car donc pour revenir à la représentation, il faut savoir que dans l'idée générale, le législatif, c'est le peuple et pas l'exécutif. L'exécutif, et même lui, le président, est un César, c'est le nombre. C'est le Parlement qui a les différents intérêts. Le président, c'est qu'il les lit, c'est 50 plus un défaut, 50% plus une fois, et après il est lu. Donc, les 49%, 49.999 sont clonés. Donc voilà, donc c'est le Parlement où il y a tous les intérêts qui devront être représentés. Et bon, pour tout le monde, c'est tout les nationalistes et européens que j'aime vraiment pas, et non européens que je n'aime vraiment pas, et on a eu cette discussion, j'aimerais pas qu'on le fasse ici, déjeuner mon internationalisme vivant. Et donc voilà, mais peut-être il faut toujours penser que les représentants sont là pour atténuer les divisions dans une démocratie. En tout cas, c'était l'idée même de Madison et de Burke, c'était surtout l'intérêt général plutôt que les opinions des personnes. C'était, il était beaucoup plus infantilisant que Madison, qui pensait plus la représentation comme nécessaire pour atténuer les tensions, les divisions entre les différents intérêts d'un pays. Et que c'était une certaine élite de représentants qui pourrait faire ça, évidemment. Donc, il y a eu, leur explication était vraiment différente, mais ils pensaient un peu la même chose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, pour rebondir un petit peu sur l'idée de la dame que je partage assez, étant donné que les représentants ne représentent plus trop, et comment, surtout, comment on pourrait mettre en place un système pour qu'ils nous rendent des comptes? On leur donne pas un quitus, contrairement à... Oui, justement, pour essayer dans la comparaison, en fait, États-Unis-France et sur la représentation au niveau du pouvoir judiciaire, qu'est-ce que tu penses de la différence entre le modèle américain, dans lequel le procureur il est élu par les citoyens, et le modèle français où il est nommé par le pouvoir politique? Est-ce que pour toi, dans quel cas, en fait, la justice est la plus juste, si je peux me permettre? Juste un autre point technique. Est-ce que Damba, l'intervenant suivant, est arrivé? Non. Moi, je dirais, pour contrôler le représentant, la présence de jury citoyen pour les contrôler au moins une fois par an ou deux fois par an ou tous les trois mois, pour au moins qu'ils s'expliquent et qu'il y ait en fait confiance ou non, ou qu'on les délègue à des partis, comme une vision très social-démocrate où on élit un parti et c'est les membres du parti qui doivent rendre des comptes et qu'il y a ce jury de citoyens. C'est un peu aussi très de ça à des partis, c'est vraiment une vision de gauche du parti. Et pour la différence États-Unis et France, moi je penserais que le juge doit être indépendant, car aux États-Unis, tu vois que les juges, statistiquement, 6 mois avant les élections, sont beaucoup plus sévères parce que ils veulent être élus dans une politique de vraiment une politique assez sévère, stricte. Il y a des, j'ai regardé des pubs pour des élections de procureurs. Il y avait un procureur qui disait qu'il y avait une procédure de vice de forme. Il a été battu à plate couture par son concurrent. Donc il était traumatisé, mais il avait que fait son job de juge. Donc les juges élus fait par est un acte, ça va, il y a un risque de démagogie et de populisme. Les juges aux États-Unis peuvent rendre la peine de mort. Est-ce que on doit élire des gens qui ont une grande responsabilité? Moi je dirais non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être nommés par le pouvoir en place. Moi, je dirais qu'il faudrait que ça soit un peu, et ça c'est quelque chose que je prêche un peu dans le fuite, que ça soit un peu comme le clergé, c'est que ça soit autogéré, que les juges soient acceptés dans un corps de juges et tirés au sort, et que ça soit autogéré, et que l'intervention du législatif soit vraiment pour dire voici la direction que vous voudrez, mais voici la loi pour qu'il n'y ait pas de interférence. La séparation de pouvoir dans mon question, c'était la séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Le peuple, c'est celui qui décide les lois, donc c'est ceux qui font le législatif. Salut. Merci. L'exécutif est contrôlé par le législatif pour exécuter les lois. Le judiciaire contrôle le tout. Donc si le peuple a les deux, il faut que le peuple ait confiance en l'institution judiciaire. Donc l'élection des juges, c'est laisser la justice à la démagogie, selon moi. Donc, il faut que ça soit indépendant. Donc, moi, j'aimerais un système assez en vase clos. Mais qu'on peut y accéder de toute façon, mais bon. Et contrairement aux clergés, ils ont le droit de se marier, donc ils peuvent, il y aura pas d'affaires de pédophilie, et même s'il y avait des affaires de pédophilie, ils pourront couvrir, car c'est à eux qui pourront pas, c'est ça aussi. Donc je voulais juste dire ça, dans une note un peu plus, oui, humoristique, parce que, voilà, donc, sera un clergé, tu pourras se marier, donc il y aura peut-être plus de pédophilie. Du coup, on va prendre une dernière série de questions, et puis après, comme ça, je te laisserai conclure. Bon, c'est pas une question, c'est une remarque, un complément. Tout simplement pour dire que j'aime bien, c'est pas un prêcher dans le vide, parce que j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose qui est autogéré. Donc ça me va très très bien, mais surtout pas en vase clos. Surtout pas en vase clos, totalement ouvert et contrôlé par des citoyens, parce que je rappelle quand même qu'en France, la justice, c'est le seul pouvoir qui n'a aucun contrôle. Les États-Unis sont au moins élus, c'est peut-être difficile effectivement, mais ils sont moins élus. Donc je mettrai les États-Unis encore avant la France, simplement pour ce problème de contrôle. Mais le meilleur système pour moi, effectivement, c'est autogéré. Autogéré, pardon ? Ah, Ils sont élus. Par l'élection, mieux qu'en France. Mais ceci dit, je dis pas que c'est un système idéal, hein, parce que les élections américaines sont terribles. Mais bon, voilà. Le meilleur système pour moi, c'est l'autogéré. En fait, je voulais pas intervenir là-dessus, mais le monsieur a... Donc je vais rebondir sur ce que disait le monsieur. Mais c'est important, quoi. Je demandais au monsieur si, une fois qu'ils sont élus, est-ce qu'ils sont révocables ? Parce que s'ils sont pas révocables, qu'est-ce que j'entends par révocable ? Révocable, c'est justement un contrôle citoyen. Il est là, le problème de la politique. C'est que en France, tout mandat impératif est nul. Et en plus, voilà, ça veut dire que une personne peut faire n'importe quoi, promettre quelque chose, faire le contraire. En fait, le gros problème, c'est... Il faut que les gens, ce soit un mandat impératif, c'est-à-dire qu'on soit élu pour faire des choses qui, de la volonté du peuple, c'est-à-dire des gens, des choses que le peuple veut, pas pour faire ce qu'on a envie de faire, qu'on est élu, et en plus qu'on soit révocable, c'est-à-dire que si on fait pas ce qu'il faut faire, on est viré sur le champ, on termine pas son mandat. C'est ça le mandat révocable. C'est pour ça que je demande au monsieur, à partir du moment où même aux États-Unis où les magistrats sont élus, s'ils font ce qu'ils veulent, ça change rien qu'ils soient élus. Après, c'est que de la magouille, hein. Pour être élu en France, on le sait très bien, on choisit pas les gens pour qui on vote en France. Même dans les partis politiques, personne choisit les gens pour qui on vote. C'est des listes qu'on nous impose, c'est des listes qui sont imposées à la télé. Il y a personne qui choisit les gens pour qui on vote. Il n'y a pas de démocratie. Les élections, ça se truc comme on veut. En France, c'est ce qui se passe. En France, je ne choisis pas pour qui les gens pour qui je vote. Et en plus, pour être à la limite, faut passer à la télé, faut être un copain à Bouygues, à machin, un truc. Faut avoir de l'argent, etc. pour être élu. C'est pas n'importe qui est élu. Et les gens dans les partis politiques au PS, chez les Républicains, etc., ils sont choisis. C'est pas le peuple qui les choisit, ni les militants. C'est des listes qu'on impose aux gens, voilà. Donc moi, je voulais... En fait, c'est pas de ça que je voulais parler au départ, mais... Donc voilà, c'est intéressant que les magistrats soient élus aux États-Unis, mais après, s'ils font ce qu'ils veulent, ça change rien, quoi. Ça fait comme en France. Moi, la question que je voulais te poser, parce que j'ai pris le train en route, et bon, je sais pas là si on a le temps, mais c'est le temps de me répondre, parce que j'ai pris le train en route, je m'en excuse, je suis arrivé un peu en retard. Le débat devait être passionnant, j'ai pas suivi, en fait... Tout ton exposé passionnant sur Burke et Madison. Et je voulais te poser la question, hein, parce que là, on parle des États-Unis et de la France, mais c'est des systèmes complètement différents. Comment tu fais pour les comparer, puisque la France, c'est un système centralisé, et les États-Unis, c'est une confédération, c'est plusieurs États avec des lois différentes, etc. Donc, comment tu fais pour comparer les deux systèmes? Ça me paraît un peu compliqué. Là. Juste, dernière question, enfin remarque, et ensuite, comme ça, je te laisse conclure et répondre aux... Ce qui a été dit. La mienne, elle est très courte. J'aimerais poser une question au spectateur qui est là, pas pour t'embêter, hein, juste pour avoir un avis, simplement, hein, juste pour avoir un avis. Est-ce que tu penses, dans le système que tu prônes, c'est-à-dire le fait que les mandats doivent être impératifs, hein ? Je suis là. Je sais pas si tu entends ma question, je sais pas. Si. Est-ce que tu penses... C'est une question pour toi. C'est une question pour toi, ouais. Pardon. Et c'est pas pour t'embêter, c'est une vraie question pour toi. Non, c'est pour toi, je te jure. C'est juste pour avoir ta réaction, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que dans les systèmes que tu prônes, c'est-à-dire dans les mandats qui doivent être impératifs, par exemple, c'est la provoque un petit peu, hein, je suis désolé. Est-ce que tu penses que la peine de mort aurait été abolie en France? À savoir que la peine de mort était supportée, en fait, les Français étaient contre l'abolition de la peine de mort. Est-ce que tu te passes le micro ? Après, je pense que dans une démocratie, ce qui est le plus important, la chose première dans une démocratie, hein, c'est les... Excuse-moi, là, tu es là. Donc, voilà. Donc, je pense que la chose la plus importante dans une démocratie, la chose la plus importante, hein, je dis bien, c'est l'éducation. Là, déjà, nous, on n'a pas été conditionnés à la démocratie. On a du mal à entendre les paroles qui nous dérangent. On est dans l'excès. On est habitué à consommer, etc. On n'est pas habitué à prendre les choses en main, à nous-mêmes s'intéresser à la politique, etc. Il y a toute une éducation. Hein. On a été éduqué avec des notes à l'école, dans la concurrence, pas dans le partage, tu vois. Il y a des gens, on leur dit, avec des notes qui sont nuls toute leur vie, et ils vont le croire, ils vont être frustrés toute leur vie, etc. Tu vois, il y a plein de choses, je pense, dans l'éducation. Donc, évidemment, la peine de mort, la peine de mort, ça dépend comment on la présente. Moi, je vais te parler de la peine de mort, si tu veux que je te parle de la peine de mort. Après, il faut délibérer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de délibération. Là, tu me parles de gens qui sont contre la peine de mort, ou qui étaient pour la peine de mort, mais dans un système qui n'est pas démocratique. Avec des médias qui sont pas démocratiques. Avec, voilà, il y a les médias aussi, c'est super important. Il faut que les médias soient démocratiques. Il faut que le pouvoir tourne dans les médias. Il faut pas qu'on entende toujours les mêmes dans les médias. Il faut pas que les médias soient au service d'intérêts privés, c'est une évidence, quoi. Il faut qu'ils soient au service du peuple. Donc les médias, quoi, ils doivent servir dans une démocratie, par exemple? Les médias, ils doivent servir à délibérer, à éclairer le peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mais non, regarde ce qui se passe, là, on a des attentats, ils nous saoulent avec les attentats, et ils sont contents, ils nous montrent des témoignages, là, ils arrêtent pas, ça n'en finit plus. Et après, dès qu'il y a un super témoignage, cac, on coupe, publicité. Tu vois le cynisme dans lequel ils sont. Tu vois, ils sont graves, quoi. Ils sont vraiment graves. T'as vu ce qui se passe en ce moment à la télé? Et ils vont nous en faire pendant 15 jours, là. Et là, ils peuvent te faire passer ce qu'ils veulent, les états d'urgence et tout ce qu'ils veulent. Donc, je reviens à la peine de mort. Moi, la peine de mort, comment je la présente? Eh ben, je vais te dire, si tu exécutes quelqu'un, d'accord? Si tu exécutes quelqu'un, d'accord? Tu le guillotines. Et puis après, tu t'aperçois qu'il était innocent. Comment tu fais pour réparer l'erreur? Eh ben, voilà un argument qui peut permettre de faire changer les gens, tu vois, sur la peine de mort. C'était juste pour dire, ta phrase, je la reprendrai personnellement en me disant, et même si tu guillotines quelqu'un et qu'il est coupable, comment tu fais pour réparer ton erreur quand même? T'es contre la peine de mort. Moi, j'ai rien contre ce que tu dis, hein. C'était juste pour avoir ta réaction. J'ai bien compris que pour toi, l'abolition de la peine de mort, ça pose par le fait que quand on tue un innocent, on peut pas réparer l'erreur. Bon, c'est un des principaux arguments des contre-peines de mort, même aux États-Unis, ça n'a pas marché extraordinairement, ça avance, hein, ça avance. J'ai rien contre ce que tu dis, hein, je suis totalement d'accord. Oui, je suis totalement d'accord avec les victimes innocentes et tout, je suis totalement d'accord. Non, tu veux que je te repasse le micro? Attends, les médias, je veux juste te parler des médias, ensuite je te laisse. Si? Je te parle juste des médias. Tu me dis que les médias doivent être libres et tout ça, on est totalement d'accord là-dessus, non? D'accord. Juste en fait, parce que là, quand vous êtes en train de repartir sur notre débat, ce que je vous propose en direct, c'est... est-ce que tu voudrais, par exemple, mercredi, venir reparler de ce thème-là pour relancer ce débat là-dessus? Non, mais... Mais non, mais pas forcément sur la peine de mort, mais sur ce que tu as lancé au début. Je parle pas forcément de la peine de mort, je parle de ce qui a été traité au début. Bon, enfin, non, tu veux pas? Bon, bah, enfin... Donc, juste finir, et ensuite, on va laisser l'intervenant conclure pour qu'on puisse passer à la suite. Alors, moi, je veux juste finir en te disant un petit truc. C'est que, certes, les médias sont contrôlés, et d'ailleurs, j'en parle énormément, et c'est mon sujet favori, par des grands groupes qui font passer des avis, une opinion publique. Certes, je suis d'accord avec toi, on nous présente des personnes pour qui voter, malheureusement, Hollande, Sarkozy, le Front National, vraiment, on n'a pas envie de voter ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour l'autre. Hein. On est tous d'accord avec ça, Sarkozy, Hollande, au secours. Et pourtant, on est obligé, au secours. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai juste envie d'alerter sur une autre chose, c'est que il y a aussi une pression publique sur les médias, sur le format des médias, sur le débat des médias. Si... Non, attendez, je sais, excusez-moi, madame, excusez-moi. Il y a une pression publique sur les médias, et je sais où aller, hein. Je la présente, juste une seconde, ensuite vous me dites non. Sur un débat, par exemple, public tel qu'on le fait là, vous remarquez souvent dans les médias, à la télé, ça doit aller vite. La personne interrompt le sujet, passe vite le micro, on peut pas développer. On endormirait tout le monde à développer un sujet hyper ennuyeux et approfondi. Non, ils n'interrompent pas. Le médiateur, le journaliste n'interrompt pas. Ah, ben oui, je pense dans ce système actuel. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ce système existe grâce à l'audimat. Hein, l'audimat. Et que pour avoir de l'audimat. D'accord. Donc peut-être dans le futur, la pratique changera. J'ai compris. Merci. Pour te répondre, mon sujet c'était la représentation sur Park et Madison. Je voulais pas me comparer avec le système français, mais on m'a obligé, donc voilà. Deuxième chose sur pourquoi est-ce que j'aurais véritable le nom. Je crois que les candidats comme procureur généraux aux États-Unis n'ont même pas besoin d'une formation juridique pour être procureur général. Donc ils veulent juste être élus, donc ils sont très sévères. Donc 6 mois à fond, ils vont au lieu de mettre 3 ans, ils vont te mettre 20 ans ou 85 ans. Il y a même un candidat pour procureur général, il a dit qu'il serait plus laxiste pour les motards dans un rallye de motards, dans un meeting de motards. Il a dit je serais avec vous en tant que procureur. Donc vous voyez, donc je préfère plutôt le régime contrôlé par l'extérieur, mais autogéré, je disais, car pour éviter le populisme et la démocratie dans le système judiciaire. Et la représentation dans le système judiciaire aussi est qu'une femme est mieux capable de juger une femme et un homme plutôt capable un homme. Je veux juste dire que, rappelez, il vaut mieux avoir quelqu'un en meilleure responsabilité qui connaît les intérêts que quelqu'un qui pourrait faire ça. Quelqu'un qui soit beaucoup plus objectif. Donc, je voulais juste présenter deux pourries américaines et anglaises et anglo-saxonnes de la représentation qui a influencé le régime parlementaire. Il y a beaucoup de choses à faire, comme la révocabilité, je préfère le mot jury citoyen, qui pourra expliquer pourquoi des mesures qui est contraire à un mandat impératif, et peut-être qu'ils s'accepteront, un mandat impératif peut être changé par des jurys citoyens, ça pourrait être fait, on peut avoir une discussion sur ça. Donc j'espère que vous l'avez aimé. Bon, voilà, merci encore pour l'invitation, j'espère que c'était bien. C'est... non, rien. Merci beaucoup à toi. Donc du coup, je refais mon appel. Est-ce que Damba, l'intervenant qui devait venir à 18h est là ou pas? Parce que sinon, c'est pas grave, on va faire autre chose.